après jour, moi lever ce voile-là. Ça y révéler qui c'est ou qui est fidèle. Ma joie, pas te perdre longtemps. Ça aussi, mais c'est ça ou chérie, nous t'écondons tout très là sous un branche bois.